épisode. Wesh, bout de bois, wesh, bout de bois, wesh, bout de bois, wesh, bout de bois. T'as signé en major, plutôt en majorette. T'as marqué trop petite, ici t'es truand, ta galère. J'insulte pas ta mère, Miskina, elle m'a rien fait. Mais je te jure sur la tête de la mienne que ta meuf a m'a sucé. Si je pars à New York faire un featuring, n'est pas la haine. C'est juste pour dédicacer où ça m'appelle la dette. Pas ma CRF, j'avoue, il est raptal. Le clash de Rof, j'avoue, il est phénoménal. T'as attendu qu'Alpha 5-20 arrête de rapper pour lui envoyer un pic. Voilà, tu lui arrives pas au doigt de pied. Wesh, bout de bois, wesh, bout de bois, wesh, bout de bois, wesh, bout de bois. Les petits quartiers, ils savent pas que t'es un vrai bolos. Toutes tes petites putes de tes clips, ils nous sucent gratos. J'touche le RSA et j'roule en Lamborghini. Wesh, prends le bus, le train et même le taxi. Taxi, haha, la zombie. Oh la zombie. J'dirais pas besoin de te clasher pour être coté. Crois de la galère, c'est mort ça et tout le monde me connaît. C'est un boss du rap français. Piqué bande de salopes, j'suis toujours avec des immigrés. Dédicacé la Suisse, le Canada et la Belgique. J'fais de la magie, un coup de baguette à une grossette bien magnifique. J'suis pas comme toi, j'me cache pas, j'suis toujours dans ma boutique. Cliqué bande de salopes, tu connais déjà la musique. Boudois, boudois, mon petit bâton. Pas besoin de carte du corps, j'suis avec mes japonais, direction Berlin. Dédicace à Titi et à mon poteau Albator. Tu joues la zoulette d'Arlouse. On va te prendre en sandwich en mode partout. Wesh, bout de bois, wesh, bout de bois, wesh, bout de bois, wesh, bout de bois. Tu tues au magasin de pas prendre ma marque. Bolos, tu sais très bien que tous les jeunes la portent. Merci à vous. Concurrence cratale, 30 la galère. C'est nous les numéros 1. Et ouais, t'as le mal de mer. Tous mes jaloux, fusil à pompe, pompe dans la chatte à ta mère. Dédicacé à tous ceux qui porteront de la galère. C'est ça, le boss du rap français. Dédicacé à tous ceux qui porteront de la galère. Merci à tous les frérots, les sœurs, tous les frangins qui nous soutiennent. Big up à tous les rappeurs qui savent que c'est nous les vrais. Numéro 1 en indépendant, frère. J'ai touché des millions d'euros, bolos, va. J'ai des maisons en Algérie, t'inquiète pas, cousin, t'as rien déjà Zahir. Eh, hey, on te baisse, toi, bolos, va. Fais pour taper, tirer mon équipe, traîner, va. Nous, on baisse tes meufs, on baisse ta gauche. Baisse ta gauche, je baisse ta gauche. Baisse ta gauche, baisse ta gauche. Cliquez dans tes salopes, on s'en bat les couilles. Toutes tes meufs de tes clips, je les baisse. On s'en bat les couilles. J'ai 49, maintenant j'en ai 41 avec la chatte à ta meuf, salope.